photos que je collectionne. Je déraisonne, je m'emprisonne. Les jours se fanent et moi je flâne. Je flâne. Je ne suis plus là pour personne. J'ai balayé tous les automnes et les hivers qui me condamnent en panne. En panne de toi, j'ai pas le choix, j'ai mis sur pause la vie en rose. Et toi tu ris, et toi tu aimes, tu vis ta vie loin de la mienne, loin de la mienne. Tous les drapeaux qui volaient haut, je les ai brûlés comme tous tes mots. Les nuits s'enflamment dans l'absence, l'absence. Je ne suis plus là pour mentir. Un passé qui jure l'avenir, l'indicatif présent s'acharne, s'acharne. En panne de toi, j'ai pas le choix, j'ai mis sur pause la vie en rose. Et toi tu ris, et toi tu aimes, tu vis ta vie loin de la mienne, loin de la mienne. Et toi tu ris, et toi tu aimes, tu vis ta vie loin de la mienne. Et toi tu ris, et toi tu aimes, tu vis ta vie loin de la mienne, loin de la mienne. Et toi tu ris, et toi tu aimes, tu vis ta vie loin de la mienne. Et toi tu ris, et toi tu aimes, tu vis ta vie.